Igira. Albert Ndoa est sur la mise en onde et merci de rester fidèle au programme de la radio Isanganiro, votre station préférée, mettant depuis Bujumbura. Bienvenue à cette édition de ce 1er juillet 2020. D'abord l'essentiel. Le Burundi est en pleine célébration du 58e anniversaire de son indépendance et vous entendrez cette gratuité des soins de santé pour les retraités que promet le président de la République dans son discours à la nation. Le chef d'État qui prévient également des sanctions sévères contre les auteurs de détournement des fonds publics. Les textes en rapport avec la lutte contre les drogues connaissent des lacunes, c'est le constat de l'association MAPUD, regroupant les anciens usagers de drogues. Vous aurez les détails sur ce que demandent à l'État ces organisations qui œuvrent dans la lutte contre les drogues. À Kirundo, le rapport est le manque de sucre qui s'achète actuellement à 6000 francs burundais le kilo sur le marché noir. Et dans la rubrique « Parler ration moi », on va vous parler des discours exaltants. La raison du plus fort, voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Une somme de 6 millions de francs burundais a été volée au cours de cette nuit dans une boutique sur la colline Gifurgwe, zone Musenyi de la commune Mpanda. Nous sommes en province avec Bubanza. Les ravisseurs s'étaient munis de grosses pierres qu'ils ont utilisées pour défoncer la porte, selon les témoins sur place à Gifugwe. La même source indique que ces malfaiteurs ont tiré 3 coups sur le plafond de la maison et ont d'abord ligoté la victime avant de lui intimer l'ordre de montrer où se trouvait l'argent. Le chef de colline Gifugwe déplore l'arrivée tardive des policiers sur les lieux après que les ravisseurs aient pris le large. La police et de même que l'administration précise que les enquêtes sont en cours. Je vous l'avais dit en titre, le Burundi célèbre ce 1er juillet le 58e anniversaire de son indépendance. Dans son discours à la nation de ce mardi, le président burundais Evariste Ndayishimiye a annoncé le paiement par l'État des 20% des soins de santé qui étaient payés par les retraités. Il a en outre précisé que les annales seront sans précision bientôt accordées après les ajustements salariaux. Suivez-le, il est traduit en français par Fidel D'Antoine Sabiman. Dans le secteur du travail, l'État a exprimé sa volonté d'améliorer le bien-être du travailleur en majorant successivement les salaires à hauteur de 34%, puis 15%. Un projet de régler les disparités salariales a été amorcé. Ce projet atteint une étape rassurante. Tenant compte de cette étape, nous espérons que même les annales qui étaient suspendues seront débloquées dans les prochains jours, étant donné qu'ils étaient suspendus par ce projet tant voulu par les fonctionnaires. À partir du 1er juillet, les 20% des soins de santé payés par les retraités malades seront désormais supportés par l'État. D'autres mesures seront bientôt prises pour qu'un retraité puisse vivre plus ou moins comme s'il était encore en fonction. Les corrupteurs et corrompus, les auteurs de détournement des derniers publics seront sévèrement sanctionnés par le gouvernement, réaffirme encore une fois le numéro 1 de l'exécutif burundais suivi. L'Office burundais des recettes OBR a suffisamment travaillé, ce qui a permis au Burundi de percevoir 90% du budget de l'État. Bien que les recettes de l'État augmentent d'une année à l'autre, il s'observe encore des fuites à recouvrir pour augmenter les recettes de l'État. Nous comptons recouvrir ces fuites, décourager les voleurs de deniers publics, la malvérisation, les corrupteurs et les corrompus ainsi que les paresseux. Pour faciliter la tâche de l'Office burundais de recettes, il sera construit un immeuble de 12 étages qui va abriter tous les départements de cet office qui étaient éparpillés ici et là, ce qui permettra un accès facile des contribuables. Toujours cette lutte contre la corruption, les détournements des derniers publics. Le financement des projets des jeunes sans emploi sont parmi les priorités du nouveau gouvernement burundais. Le président de la République l'a dit donc ce mardi après la prestation de serment des ministres récemment nommés Évariste Ndayishimiye a signalé que ce financement ne sera pas remboursable. Toutefois, l'utilisation de ces fonds sera surveillée. Les détails avec Vetsine Boutoui. Certaines de ces priorités du nouveau gouvernement, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, évoque la lutte contre la corruption et la malversation des biens publics. Le détournement et les malversations des biens publics donnés et demandés à la corruption doivent être prohibés. Ce travail m'appartient car il n'y a pas de ministère chargé de lutter contre la corruption. C'est un combat de grande envergure. Je vous demande de m'aider tous pour que l'argent qui va dans les caisses de l'État soit utile pour toute la population. En luttant contre la corruption, Evariste Ndayishimiye explique qu'il va mettre les boîtes à suggestions dans tous les chefs-lieux des communes pour faciliter la population à pointer du doigt discrètement aux dirigeants qui demandent du pot de vin. Puisque nous avons réalisé que la plupart de la population ont peur de pointer du doigt leurs dirigeants, de la trahison, désormais, nous allons mettre les boîtes de suggestions dans toutes les communes et ces boîtes seront ouvertes par mes envoyés spéciaux. Le président de la République du Burundi ajoute qu'il va financer les projets des jeunes diplômés sans emploi et qui sont en groupement. Il signale que ce financement ne sera pas remboursable, sauf qu'on en fera le suivi. Nous allons effectuer des descentes dans toutes les communes du Burundi dans le but de rassembler les jeunes dans des travaux collectifs qui nous montrent leurs projets. Le gouvernement s'engage à leur donner des moyens suffisants pour la mise en œuvre de leurs projets et choisir des experts parmi eux qui prendront le lead, qui seront payés par le gouvernement pour qu'il n'y ait pas de travail à perte. Les autres priorités du nouveau gouvernement, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, énumère la lutte contre la pandémie du Covid-19 en réduisant le coût de l'eau potable dans les chefs-lieux des différentes provinces et du savon jusqu'à 50%. La prise en charge des retraités, le développement du secteur agricole en aidant les agriculteurs à cultiver au moins 3 saisons par an, ainsi que le rapatriement des Burundais en exil suite aux crises qu'a connues le Burundi. Démographie à présent. L'administration communale peut se servir des projections démographiques pour planifier des projets de développement communautaire. Ce sont les propos du directeur général de l'Institut des statistiques et études économiques du Burundi, Stébo en sigle, dans un atelier de dissémination des résultats des projections démographiques du pays 2010-2050 ce mardi. Nicolas Ndayishimiye a trouvé que ces statistiques sont importantes pour les administratifs. C'est au moment où les projections de l'ISTEBU montrent que la population burundaise sera entre 18 et 22 millions en 2050. Suivez Nicolas Ndayishimiye, directeur général de l'ISTEBU. Comme vous avez constaté, au départ, on avait fait des projections au niveau national. On a fait aussi des projections au niveau provincial. Maintenant, les projections que nous venons de présenter, ce sont des projections qui sont élaborées au niveau communal. Étant donné que la commune maintenant, je dirais que c'est le plus bas niveau de planification du développement de notre pays. Ça signifie quoi? Ces données vont servir dans l'élaboration des plans communaux de développement communautaire. Ces données vont servir aussi d'un suivi des politiques sectorielles qui seront mises en place. Par exemple, si le ministère de la Santé doit vacciner tous les enfants de moins de 5 ans, le ministère fera recours à ces projections pour savoir quel est le nombre d'enfants de moins de 5 ans que le Burundi a. Et c'est à partir de ces informations que le ministère pourra commander des vaccins pour les vaccinations. Nicolas Ndayishimiye, il est directeur général de l'ISTEBU. Après une courte pause, page santé au rendez-vous. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h08 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition que vous êtes en train de suivre via le www.isanganiro.org. Des défis persistent encore dans la lutte contre les drogues, comme des textes lacunaires, le manque d'un centre national de convivialité pour les consommateurs de stupéfiants. Propos sommet crédit tenu par les membres de l'association BAPUD, des anciens usagers de drogue en collaboration avec l'Association nationale de soutien des personnes vivant avec le VIH-SIDA dans une campagne de plaidoyer en faveur de politiques en matière de drogue fondée sur la santé et des droits humains, il demande à l'État de tout faire pour lutter contre la prolifération des stupéfiants. Ezekiel Ndikumwenayo. Affirmant qu'il a commencé à consommer ces stupéfiants par simple goût, Celui-ci dit qu'il a stoppé la consommation de ces derniers grâce à l'assistance psychosociale. Au début, j'ai commencé à goûter, croyant que c'est du plaisir. Mais j'ai trouvé que c'est le contraire. J'ai pris le chanvre, puis d'autres sortes de drogues, jusqu'à l'héroïne. J'ai pris ces drogues pendant 25 ans. Par après, j'ai eu l'assistance d'une organisation Bapoud pour stopper la prise de ces stupéfiants. J'ai bénéficié de l'assistance psychologique, puis j'ai abandonné. La consommation des drogues entraîne l'aménagement de la santé. Certains intervenants dans la lutte contre la consommation des drogues déplorent les stigmatisations à l'endroit des toxicomanes. Au niveau social, c'est toujours un casse-tête parce que un usager de drogue, il est toujours stigmatisé et discriminé parce que certains comportements que les usagers de drogue affichent et sont mal perçus par la société. Et cela fait que, en étant discriminé à la maison, il ne pourra même pas se rendre dans les structures de prise en charge de peur d'être discriminé parce qu'ayant été discriminé à la maison, directement, il voit qu'il va être discriminé dans les mêmes centres. La lutte contre la prolifération et la consommation de drogues nécessite une synergie des intervenants en la matière. Les organisations de la lutte contre la consommation de ces produits, de même que certains administratifs, trouvent que la loi qui réprime l'usage des drogues est lacunaire. La lutte contre les stupéfiants nécessite des lois spécifiques qui précisent bien les punitions qui peuvent être infligées aux consommateurs. Mais les lois qui existent sont lacunaires. On a besoin d'une loi spécifique. Il y a une nécessité d'une assistance pour les toxicomanes qui sont souvent arrêtés. Un centre national de prise en charge où il y a des médecins de différentes spécialisations. Ces médecins peuvent aider dans le traitement de ces victimes de drogue. Les anciens usagers des drogues se disent satisfaits par la mesure du ministère de la Santé publique autorisant l'importation de la méthadone qui permet de neutraliser le besoin physique d'héroïne sans provoquer d'effets hallucinatoires. Merci Ezekiel Ndikumwenayo. Dans l'actualité des provinces, parlons commerce, comme je vous l'avais dit en titre, manque du sucre au chef-lieu de la province de Kirundo. Par exemple, un kilogramme s'achète 6 000 francs burundais. Dans la clandestinité, certains parents éprouvent des difficultés pour offrir le petit déjeuner à leurs enfants et préfèrent acheter des jus et des Fanta à la place du thé. Le commerçant grossiste qui s'approvisionne à partir de la Sosumo les tranquillise toutefois que d'ici jeudi de cette semaine, le sucre sera disponible. Correspondance d'abord en Safari. Deux semaines viennent de s'écouler et sans qu'il y ait du sucre au centre urbain de Kirundo. Certains commerçants vendent le kilo à 6 000 francs dans la clandestinité totale, comme nous l'ont fait savoir certaines personnes. Cependant, avant de donner ce sucre, comme le poursuit ces dernières, les commerçants regardent d'abord à gauche à droite pour s'en rendre compte qu'il n'y a pas d'administratifs ou de policiers qui peuvent les appréhender. Les mamans que nous avons interviewées nous ont fait savoir qu'elles ont un problème très sérieux pour nourrir leurs enfants, surtout le matin. Certaines préfèrent acheter du jus ou Fanta pour que leurs enfants puissent en prendre avec du pain comme le petit déjeuner. Elles disent que c'est la première fois qu'un kilogramme de sucre s'achète à 6 000 francs et elles demandent aux administratifs d'arrêter ces commerçants qui veulent s'enrichir illicitement. Contactés à propos de ces commerçants, ils nous ont dit qu'au lieu de manquer de sucre pour leurs clients, ils préfèrent l'acheter à un prix exorbitant, c'est-à-dire plus de 150 000 francs le sac, alors qu'auparavant, ils achetaient à moins de 110 000 francs et ils vendent le kilo à 6 000 francs. Nous avons contacté un grossiste de Kirundo qui s'approvisionne à partir de la Sosumo. Il nous a répondu que cette question sera levée d'ici jeudi car le camion rempli de sucre est déjà arrivé. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Parle, rassure-moi. Et dans la chronique de ce mercredi, on vous parle des discours qui exaltent la raison du plus fort. Rémi Habyarimana de la maison Lueur d'Espoir explique que les Burundais ont cette culture de respect du message des autorités. Mais s'il arrive que l'autorité trébuche, il indique que cela n'empêche qu'il y peut y avoir ceux qui n'adhèrent pas à l'ordre de leur supérieur, Robin Niyonguru. Au Burundi, les dirigeants ont la culture de respect du message donné par les dirigeants. Mais lorsque les autorités ne donnent pas un message qu'il faut. La Rémi Havzarimana montre les conséquences. Alors, directement, il y a deux grands groupes qui se dégagent. Le premier groupe, c'est le groupe qui dit « je dois caresser dans le sens du poil », comme on dit. C'est-à-dire, ce qu'il dit, je n'y dis rien, je ne commente ni négativement ni positivement. Ceux-là sont constitués par une équipe de gens, des suivistes, je dirais, qui vont faire ce qu'il a dit sans poser de questions. Alors, l'autre groupe, il est constitué par des personnes qui se disent « Tiens, ce qu'il dit, est-ce que ça colle ? N'est-ce pas une théorie non applicable dans la vie réelle ?» Et cela, parce qu'ils ont ce respect souvent caché, ils ne vont pas le dire. Ils vont, disons, créer un silence et ils vont attendre. Lorsque deux groupes surgissent dans une communauté, cet acteur dans la résolution pacifique des conflits souligne que cela peut conduire à des violences de masse. Bon, d'abord, comme je l'ai dit au début, en fait, la situation qui est à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement parce que la deuxième catégorie a refusé. Parce que dans ces conditions, même s'ils refusent, ils ne le diront pas. Ils vont se taire et attendre, donner le temps au temps, comme on dit, et attendre que soit ce qui a été dit se confirme ou s'infirme. Alors, la grande question donc sera au moment où, par exemple, ce qui a été dit ne colle pas avec la réalité, là, c'est à ce moment-là que la raison retombe du camp de ceux qui se sont réservés. En ce moment-là, le problème, c'est lequel ? Le silence qu'ils ont entretenu a été beaucoup plus mêlé avec des critiques, des observations qui vont cette fois-ci s'avérer négatives par rapport à la position prise par l'autorité. Et comme ils n'ont rien dit, ils vont plutôt se taire et malheureusement, ce silence n'est alimenté que par des idées négatives. Finalement, on va se retrouver à une situation dont le changement peut être un éclatement, ce que l'on appelle la révolution au lieu d'une évolution. Rémi Havzarimana en appelle aux autorités à bien penser les messages qu'ils veulent donner. L'histoire, on a toujours hiérarchisé en disant qu'on avait l'ordre, il y avait Dieu, le roi et les notables. C'était une façon de montrer une trilogie indispensable pour la vie du pays. Que tout dépendait de Dieu, mais que ce roi qui était entre Dieu et les hommes devait en fait jouer l'intermédiaire et faciliter les discussions, les échanges. Il en appelle aussi aux autorités de pérenniser la culture de dialogue. Merci Aubin. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition à 13h15. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également Albert Ndouaïo qui l'a mise en onde. Deli Nibel Nibigila, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout très bonne fête de l'indépendance du Burundi.